Qu'est-ce que 8 minutes dans la vie d'une émission de radio ? Ça fait du temps. C'est le retard qu'on prend aujourd'hui pour la 368e de Pyongyang City Rockers. Fidèle au poste ce soir, Jamie. Bonjour Jamie, ça va ? Bonjour, ça va, oui. Oui, voilà, et puis ouais, c'est Stéphane. C'est la dernière de l'année vu que la semaine prochaine on sera le 25. La radio est fermée. Ouais. Tous les 25 décembre, ne me demandez pas pourquoi, c'est ridicule. La semaine d'après, ça sera le 1er janvier, et là aussi la radio sera fermée, ce qui fait qu'on est marron pour 2 semaines d'affilée. Donc c'était important de venir, même si on était super à la bourre. Ça, on peut nous entendre. Même j'ai couru dans le métro et tout, t'aurais vu, c'était, c'était magnifique. On le voit pas parce qu'on n'est pas visible, mais non. On suit partout. Ouais, on suit, il va falloir se boire quelques jupis là pour... Pour être bien. Il est donc 20h10. Encore maintenant, il y a DOS qui est en train de passer au PIT. Ouais. Avec qui déjà ? Je sais plus. En plus, je l'ai écrit quelque part. Mais alors, j'ai écrit tellement de trucs. Il y a Kill Test. C'est au PIT. Ça a dû commencer là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, si vous voulez voir ce Angry Glaswegian Cunt, oui, c'est un. un connard Glasgowia en colère. Vous courez au pit, Sintrocuslan numéro 1, à Courtrai, et puis sinon vous pouvez aussi l'écouter maintenant dans Hungry, si j'arrive à le lancer. Ce qui n'est pas dit, parce que là, franchement, je suis tout tremblant. Oh, ouais. On patauge, on tauge après. Allez hop, DOS Hungry. Same places, same faces, same taste, same smells. I want Ah oui, voilà, ouais. C'est l'hiver. Que voulez-vous que je vous dise ? Ouais. Ben j'espère que les grandes lideries Zedder qui ne sont pas là sont en pleine forme, parce que là, ouais, en pleine là. Forme, parce que moi, faudra m'en placer. Hein, en janvier, là, je vais pas être beaucoup là. Ouais. Je vous le dis dès maintenant. voilà. J'en étais au concert qui vont avoir lieu dans pas longtemps. Voici un petit titre Taxman. Taxman avec deux X comme Yuxun Xun. Ils vont être pour les gens de Maubeuge et de la Vénois. Ils vont jouer aux Trois Auvergnats à Beaumont, donc pas loin de Maubeuge, mais du côté belge. Samedi prochain, 21 décembre, et voici avec Perfect Pair. Ah. Forcément, ouais, ça n'ira pas aussi bien. Le bouton, il marche voilà. pas là, aussi. Oui, bah, oui, bah voilà. Je reste en Belgique avec Direct Action. Apparemment, avant, ils s'appelaient Social Anxiety. Puis ils ont peut-être trouvé que ce nom était trop dur à retenir et donc ils se sont appelés Action Direct. Bah, pourquoi pas. Ils ont en plus le bon goût, non seulement d'être belge, mais en plus d'être moitié flamand, moitié wallon. On trouve des gens là-dedans qui ont joué dans pas mal de groupes avant, dont un ex ou quelqu'un de Nation on Fire. J'ai pas très bien compris. Bref, les voici avec quelque chose d'un peu moins mélodique que ce que je vous ai passé avant. Voici Direct Action avec Defiance of Fate, suivi de The Wanderer. En tout, ça fait 2,14. Bon, hein, voilà. Allez, ça va, on boit vite. Oui. Bah ouais, voilà, ah, c'était Direct Action. Vous êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6, DAB+, Canal 7C, machin chose. Et puis www. Ouais, parce qu'il y a des canaux. Enfin, c'est pas des canaux, c'est des bouquets. Enfin, j'ai vu. Bref. Ouais, et ouais. Puis, on est mis sur le web, hein, tu sais, ouais. campuslille.com. Ouais. C'est beau. Un peu moins beau, le 15 décembre 2017. Selom, Mathis, Aurélien et Ashraf couraient pour échapper à une énième bastonnade de par les keufs. Quelques secondes plus tard, étant arrivés sur une voie ferrée, ils sont tapés par un TER, l'île Calais. Aurélien et Ashraf sont blessés grièvement. Selom meurt le lendemain à l'hôpital, Mathis également le surlendemain, c'était le 17 décembre 2017. En 2021, l'enquête a été classée sans suite, sans reconstitution des faits pourtant demandée par les familles. On peut toujours retrouver sur les sites web labrique.net et basta.media les dossiers relatant l'histoire et le combat des mères et des familles de Selom et Mathis. Nous, on n'oublie pas. Un petit titre de rap local dédié à Selom et Mathis, El Momo, qui fait Vertige. Assassin. Menteur. Bande de vendus, va. Votre monde de merde, là. Le monde que vous voulez nous imposer. Bah, on n'en veut pas, en fait. Ça, vous le savez bien. Ça, vous avez bien compris. De toute façon, plus en plus de monde va vouloir se venger. De plus en plus de personnes en ont marre. De la vie chère, des violences d'État, de vos crimes et de vos mensonges. Alors, dormez bien, si vous nous oubliez. Nous, on a la mémoire qui gronde. Je me rappelle qu'à 15 puis ça le faisait pas. Je me rappelle qu'un soir j'ai frayé, j'ai veillé, j'ai pris la porte ce soir. Je me suis barré très très très loin, loin, loin. Il me fallait de la hauteur, alors je suis monté tout en haut de cet immeuble. J'ai regardé mes mains et je me suis dit à quoi ça sert de vivre quand tu vois que la discipline mourir plutôt que de choisir entre l'odeur du fric, celle du commerce, usé de la ruse, de tous ses vices. J'ai pris de la hauteur. Mais pourtant qu'elle est belle cette ville, c'est ce que me disait la vie. Il m'a aidé sauver la mie. Il m'a aidé sauver la mie. Quand tout s'arrange, que tout prend sens, que tout va mieux, ils m'ont bien eu, ils m'ont fait croire que travailler, penser pour eux, c'était le grand chemin de la réussite. Institution, entreprise, on veut pas de vos partis politiques. C'est bon, j'ai fait ma route, des décors qui changent. Je suis bloqué dans ces tours, dans la tête de ma mère. Je fais toujours des déroutes, je me taille en zoom. Je croise des copains et on va se faire un tour. Je cogite avec la mif, c'était violent durant tout ce temps. Le but c'était de gagner le terrain de la liberté, prendre l'autorité et les vincer. Prendre les responsables de Vinci, les mettre dans le zoo de Vincennes. Mettre ses dominants à terre, sortir les copains animés. Mal de leur cache, avoir un pied à terre, une vision éclair, la nuit c'est mon seul repère, pourtant c'est là que se répètent les moments tristes et nostalgiques de la répression à ces assassins de flics. De la détention, des copains aux violences qu'on subit, subiront toujours mes amis. Dans mes souvenirs, je me souviens de ces sourires. Quand j'écoutais toujours cette musique, je laissais aller, je laissais parler mon esprit. Avec mes larmes, la mélodie et puis mes rires. Dans mes souvenirs, je me souviens de ces sourires. Quand j'écoutais toujours cette musique, je laissais aller, je laissais parler mon esprit. Avec mes larmes, la mélodie et puis mes rires. Cette sale milice fasciste, ils ont pris arraché leur vie. Je noie mon chagrin dans la weed. Je pense à leurs proches, leur famille. Nous, notre colère, on les guise. Ouais, c'est la première fois qu'on passe quelque chose avec du vocodeur dedans. Ouais. Bon, je parlais de concert, j'en ai oublié Il y a aussi un truc intéressant qui va se passer à la Brad Cave à Lille ce dimanche. Il y aura la Christmas Hardcore Matinée Show avec deux groupes qui viennent de Zurich, à savoir Excoriated et XOXO. XOXO. Je ne sais pas si comment ça se prononce. Bon, il y aura aussi Drops, Yann Darras, et ils font du groovy hardcore. Et je crois que j'en ai déjà passé un titre ici. Delinquency, c'est des Belges, ils font du groovy hardcore. Et Significant Damage, c'est des Lillois, ils font du hardcore lourd, heavy hardcore. Yeah. Voilà, ça sera donc à la Brad Cave à partir de 17h. C'est 8€ l'entrée. Et c'est à ne pas manquer parce que c'est organisé par Play Loud Association. Je répète donc la Christmas Hardcore Matinée Show. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de concerts hardcore après ce 22 décembre. Donc, ceux qui veulent assister, ils y vont. Et puis, pour l'instant, ils peuvent écouter un petit titre de Drops, c'est Struggle. Drops, ils viennent d'Arras et c'est pas mal. T'es pas en Irlande ? Non, bah, février. Bon, d'accord. Ouais. On va quand même causer d'Irlande. Hein. Putain, ouais. J'ai repéré un truc, là, un extrait de la conférence de presse du Premier ministre irlandais Simon Harris. Ouais. C'était avant-hier. Alors, il faisait la conf de presse suite au grand bruit qui avait été fait par Israël, qui a fermé son ambassade à Dublin en traitant l'État irlandais d'antisémite. Moi, maintenant, quand quelqu'un se fait traiter d'antisémite, je ne tire pas de conclusion trop vite. Ouais, hein. Ouais. Surtout par qui. Et donc, voilà un extrait de ce qu'il dit. Vous êtes tous ici aujourd'hui en train de demander quelle est la position de l'Irlande, mais qu'en est-il des actions d'Israël? Qu'en est-il de ce que Netanyahou fait aux enfants innocents de Gaza? C'est juste une diplomatie de la distraction, ce qu'ils font. Nous continuerons d'intervenir diplomatiquement, mais personne ne fera taire l'Irlande. Voilà. Alors, après, il dit plus de trucs, etc. Ouais. Bref, il dit des trucs plus, on va dire, diplomatiques et d'État. Ouais. Mais ça, quand même, c'est assez frappant parce que, bon, le mec, il dit, bon, maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, on va continuer. Et petite remarque que je voulais faire, parce que, en fait, j'ai cherché ce mec-là, en plus, il a l'air assez jeune, quoi. Je dis, bon, c'est une espèce de gauchiste. Pas du tout. Ce premier ministre de l'Irlande, c'est comme en France, il y a un premier ministre, enfin, il paraît qu'il y a un premier ministre. Ouais. Ce premier ministre irlandais, c'est un type de centre-droit. Finnegale. Alors, pour réfléchir un moment, depuis combien de temps en France, des gens de centre-droit, entre guillemets, ont une position sensée et décente à propos de ce qui se passe au Moyen-Orient? On pourrait se poser la question. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je dis quand même, hein, Irlande... Bon, à mon avis, ils sont un peu obligés parce que le peuple, d'une manière générale, ils sont très, très remontés. Il y a une forte condamnation populaire en Irlande de ce que fait Israël. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses. T'as vu? T'as entendu? C'est de bon son. Ouais, bah oui, voilà. Alors, t'avais des trucs irlandais à nous passer? Ouais, bah, alors on cherche toujours. Hein. Ouais, et t'as trouvé? Bah ouais, j'ai trouvé deux trucs, là. J'ai trouvé de la oie irlandaise. Ouais. De un. Ça s'appelle Quakan. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais, je sais pas. Si on dit What's the Quack? Quakan? Je sais pas. Ok. En deuxième main, j'avais Kneecap. Ouais. H-O-D. Ouais. Yeah. Bah, ça date, mais j'ai pas eu connaissance de ce projet en fait. Ouais. Kneecap? Ouais. Ouais. Et alors, Kraken, moi j'ai cherché un peu, tu m'as tout à l'heure. Et j'ai cherché, putain, il y a absolument rien à propos d'eux, quoi. Ça se demandait si c'est pas un truc qui a été fabriqué de toutes pièces. Ouais. Même l'image, en fait, il y a juste un truc sur YouTube, à ce titre-là, qu'on a passé. L'image qui illustre, c'est une espèce de truc fait avec une IA dégueulasse, là, tu vois. Les images dégueulasses, là, tu vois. Ah, bref. Et donc, il y avait une page Bandcamp, mais elle a été supprimée. Donc vas-y, demandons-nous pourquoi. Vas-y, donc c'est Kraken, c'est ça? Kraken. Irish Oi. Ouais. Et ensuite Kneecap avec H-W-O-D. Yeah. Cirque Campus, Pion Gang, City Rockers. Nous, on va fêter la 53. For the Irish skins! Oi, oi, oi! Skinhead in Irish is Kraken! It's our track, I for rebellion. A is for ass kicking, I is for independence. C is for kind of people, spelling out the rest. I second I. It is Irish I. I second I. C is for crack, I for rebellion. A is for ass kicking, I is for independence. C is for kind of people, spelling out the rest. I second I, it is Irish I, I second I. C is for crack, I for rebellion, A is for ass kicking, I is for independence. C is for good people, spreading out the rest. I second I. Chucky or la, get the- the Brits ain't not a one-way ticket. Please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's looking some pins, man. A Kylo fucking Fuijinish, man. Keep it at the fucker, fucking fuck off. Jesus said on the cross, two pins of boost, 20 figs, and the fuck is the lost. Who's next, be miss? I'm with you like a bag. For your shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated eye socket. Overnight cop shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation, now he's known for being a rocket. In his dreams, 9mm loaded. I'm a hitch, double D. Lonely scum, that's what they say about me. With a job, what the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, cause all the best jobs are taken by the doggies. Sweaty black and crack, I'm a spliff, I'm in love with the fast and a sash. Got that note, I'm buying cash. I can ish, hit the stash, want to pass, it's an arch. Like a goose, coccolino, solo, Miri and so ash. Ja. It's gonna be a bloodbath. It's gonna be a bloodbath. It's gonna be a bloodbath. Throw a hook, a jab and a boot. I sneak a quick tooth, then I fire another boot. For calling me a fruit, for trying to take the loot. But Billy won't be bothering any more hoots. Nish, couple of cash, do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Provi has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need. You can change your name, but you're all the fucking same. Ah ouais, bon, voilà. C'est vrai qu'il y a un côté colle, ils font souvent ça. C'est souvent des instrus toutes faites et ils rappent dessus. Comme ça. Bah ouais, bah comme tout le monde, quoi. Non, je sais pas. Je sais pas, il faudrait des beatmakers. Oui, peut-être. Eh bien, qu'est-ce que je voulais passer, moi Ah oui, ouais, prenez Mosga. Attends, faut que je retrouve de quoi je voulais parler. Eh bien, c'est un groupe croate qui s'appelle Prani Mosga, ça veut dire lavage de cerveau. Et d'ailleurs, pour se laver le cerveau, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la poudre blanche, Bieli Pra. Voilà, ouais. C'est le titre de qui vont nous faire maintenant. C'est sorti le 13-12 dernier chez Do It With Others Records, qui ont un bandcamp du même nom, Do It With Others Records. Tout collé. Ouais. .bandcamp.com. Puis vous trouvez plein de choses croates, serbes, je crois. Et puis, enfin, de ce coin-là, quoi. Très bien. Ils sont bons, moi j'aime bien. Et puis, les voici maintenant avec Bieli Pra. Yeah. scolarité. Chi deve la giusta di te? Chi so è il professore di te? Sto modo non onesto da mirare. Grazie a Vladi. Una malinconia ma. Ah bah oui, voilà. Je suis un jeune homme dans ses meilleures années. C'était. C'est nouveau, oui. Ça. Ça sera toujours nouveau. En croate, ça se dit Jasam Mladic Unajbolim Godinama. C'était aussi un truc donc croate, mais pas de 2024, de 1979. Le groupe, c'est Prijavoka Zalište. Voilà, oui, bah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Faut bien passer des vieux trucs des fois. Et ouais, puis maintenant, je voudrais faire une petite, un petit hommage à Bertrand Lefebvre, un ancien de campus qui est récemment décédé. Il avait commencé au temps de la piraterie et des bouts de ficelle, et puis il faisait encore quelques trucs ici à Radio Campus en son honneur, et un truc qui passe pas souvent dans cette émission bruyante, un petit titre de chanson française, Cyril Mokayesh, le titre c'est Communiste. Mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de boucliériser l'élite, qui t'embauche pas, mais qui profite de ces villas. La, la, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascétiques, et moi. Je suis communiste à ce qui paraît. On est à d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Quoi ça, quoi ça? Ça fait pas chic. Oula, ça les perdra de vampiriser la révolte, de ratiboiser la culture. Pour te ramollir, toi qui taffes dur et te traîner à l'usine de Cholet sur des machines à licencier, mais moi je suis communiste à ce qui paraît, rien n'est. Ça les perdra de nous distraire, à vouloir tout repeindre en vert, à part l'Afrique. Pour ça la crise, c'est bien pratique. Je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. C'était quoi cette petite chose rigolote? C'était Messieurs, c'était sorti sur... C'est un groupe de Lille, hein? Ouais, t'as vu, ouais. Et c'était sorti sur une compilation de l'Aéronef il y a quelques années. C'était Tête, épaule et genoux, pieds. Ah. Ah. Ouais. C'est une comptine qu'on chante aux enfants. Ouais. Et puis qu'on fait aussi en allemand. Kopf, Schulter, Knie und Fuß. Voilà, je vous jure. Puisque avec Priya Vocalizaliste, je pense qu'il y a des gens qui étaient vraiment contents d'avoir des trucs avec au son, un son fumé. Je rattaque avec mon son fumé, des trucs qui ouais. rien. C'est parce qu'on ne voit pas les likes là. Mais... Ouais, ouais, mais il y en a plein. Ouais, ouais. Mais bon, plein, ils sont où? Ils sont dans la stratosphère, ils sont quelque ouais. part dans les larmes. Sur le canal. Ouais, peut-être. Et donc, voilà. Un truc qui date de 1985, qui était très certainement enregistré dans un studio où il n'y avait pas grand-chose comme matériel. En plus de ça, les mecs ne sont pas très très calés entre eux, ce qui fait que bon, on a un son qui est quand même assez approximatif, ouais. mais il se dégage quand même de ça, je trouve, toujours un charme que n'ont plus les grosses productions boom boom d'aujourd'hui. Ouais, et c'est ça que je veux vous dire. C'était sorti sur une compilation qui s'appelait Compulsory Overtime en 1985. Je le vois acheter quand il était sorti, dis donc. Et puis c'est Abuse, un groupe écossais et non pas irlandais, qui vont vous dire la même chose que moi. Ce que j'ai à dire, c'est que ne me dites pas que j'ai tort, parce que de toute façon j'ai raison. Voilà. Abuse, don't tell me I'm wrong. Sans le sachant. Pardon ? Disais pas sans le sachant. Ouais, c'est ça, Abuse, en avant. Ça va, c'était bien fumé? Ouais, ça va. Ah ouais, t'as vu. Il n'a pas bien éteint son mégot, par contre. Non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien. Alors, t'as trouvé quelque chose? Ouais, bah pour ouais. Pour combler notre léger déficit temporel. Ouais. Parce que là, il nous reste encore 6 minutes à tenir et vous êtes à l'antenne, vous êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers sur ouais. 6,6 machin, chose bidule, chose chouette. Ouais, chez vous ou entre amis. Et c'est Action ouais. Bronson, c'est... Non, ouais, bah, peut-être. C'est un rappeur US, je crois. Bah ouais, tu j'aime toi. Bien, ouais, c'est sympa. Ah, bon, ouais. Bah écoute, on va y aller alors. On va y aller, ça va. C'est quoi alors Bird on a Wire. Bon, et qu'est-ce qu'il fait sur le fil, Ch'tozo? Bah, Et attends. Bon, bon, on va attendre avec lui. Allez. Allez. La musique de Harry Fry. Smoke something, bitch. Blow a kiss to my dick, wash my body with the sponge. Feed me flavored rices, put the chronic in my lungs. Tailor me a leather suit on some Jodeci shit. By coastal, man, we both to be rich. Lead a party with your daughter. In the morning, do karate in the water. Hit sounds of samurais. Rocking shorts in the winter. Don't fuck with splinters. Roll with sinners. A bunch of winners. Catered lunch and dinners. Why my truck jar looks so empty? Drop a hook and then I'll probably cop an M3. Long knife, that's in the event. Somebody tried to get me, then to heaven they'll be sent. Oh, off the strength. Caviar and Porsche taste. All the beans are getting bushed and baked. On thin ice, I skate across the lake. With the CCM tags, my feet are like caches. Smoke premium cabbage. Blow a kiss to my dick, wash my body with the sponge. Feed me flavored rices, put the chronic in my lungs. Tailor me a leather suit on some Jodeci shit. By coastal, man, we both to be rich. C'est des gonzesses, ça. C'est Elastica, ça date de 95. C'était un truc qui avait été accusé à l'époque de gros plagiat sur les Stranglers que j'ai passé la semaine dernière là, No More Heroes, le titre là c'est Waking Up. Ce qui est rigolo, c'est qu'après ça, quand les gens des Stranglers ont été interrogés là-dessus, ils disent oh, on s'en fout, de toute façon, c'est normal, c'est normal de reprendre des bouts de musique, même des textes les uns les autres, quoi. Ils en avaient rien à secouer. Mais leur maison de disques, à eux, avait quand même poursuivi le groupe. Et ils avaient fini par payer, quoi, Elastica. Enfin, elles avaient fini par payer Elastica. Bref, voilà, c'était la dernière anecdote pour ce soir. On se retrouve le 8 janvier pour Pyongyang City Rockers numéro 369. C'est ça, 59 ? 69 ? Ouais, 369. Il reste 30 secondes pour dire au revoir. Passez de joyeuses fêtes, à vous en foutre plein la lampe. Ouais, et pensez aux autres aussi, aux petits enfants aussi. Et n'oubliez pas, à cab. Radio Campus Lille, il est 21h.